c'est fou dans vos oreilles. 80. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui, assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait un petit résumé du défi nordique qui avait lieu en fin de semaine dernière. Et on fait une émission spéciale pour la Journée internationale de la femme. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 8 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et on est en direct des studios de Cifois à Trois-Rivières, bien évidemment. François, c'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui. Aujourd'hui même. Là, là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, pour souligner l'événement, comme tu sais, Mathieu, on n'est pas des femmes. Ben non, pas aux dernières nouvelles, en tout cas. Donc, on peut pas se... Comment se mettre dans la peau. Ouais, c'est ça. Écoute, ça va être très dur, mais pour souligner l'événement à notre façon, quoique, quand même, simpliste. Oui, simpliste dans le sens que peut-être qu'on n'est pas nécessairement la seule station à faire ça aujourd'hui. Peut-être. Mais c'est une belle initiative quand voilà. même. Voilà. Belle initiative. Et nous, on ajoute en plus le fait, non seulement qu'on va jouer de la musique qui est chantée par des femmes. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on va faire, là, en c'est majorité. C'est ça qu'on va faire. Mais aussi, notre chroniqueuse aujourd'hui est une fille. Oui, bien, tout est pensé depuis le début de la session. On a demandé au gouvernement de changer la Journée internationale de la femme à ce mardi 8 mars. C'est ça, exactement. Bon, fait que ce soit mardi. Pas de tempête non plus. Sinon, non, c'est ça. Il faut que tout le monde soit à sa place. Alors que voilà, de la musique de fille, ou devrions-nous dire de dame. De dame. De demoiselle. De gentille dame. Gentille dame. C'est ça, on va avoir entre autres du Metric plus tard dans l'émission, on va avoir les filles de camionnette, on va avoir plein d'autres choses, les Yeah Yeah, oui. La patère rose. La patère rose, et puis beaucoup de surprises. Beaucoup de... Oh, OK. Tu me surprends. On est là pour ça. On commence avec Chantal Archambault sur son album La Romance des couteaux. Voici l'extrait Poêle à bois à Assemblage requis au 89.1 FM. On va appeler ça aujourd'hui Assemblage requise. Oh, c'est noté. À l'intérieur de moi, j'ai le cœur qui vit un tremblement dans tes yeux. Je me dépose entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de mes nombreuses idées se touchent. Je n'ai plus qu'à abandonner mon corps. Reste là facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou la vraie peu naïvement. Et on marche ensemble, d'un pas décidé, alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Matinale en pièces détachées, assemblage requis. Hey, I know your game. Est-ce que tu dis on dirait les Chipmunks? Ouais. Ouais. La voix. Ça chante pas fort et très aigu en arrière de nous. Bon, je sais pas si les gens l'entendent. Non, c'est ça, je crois pas dans la radio d'une voiture si on entend ça. Dragonette avec Gold Rush, c'était précédé de Cœur de Pirate, avec un remix par le matos de la pièce Comme des enfants. On a débuté le bloc avec Chantal Archambault et le poêle à bois. Poêle à bois, d'ailleurs, ce matin, qui est très utile parce qu'il fait frette. Habillez-vous. Hey, Colin, on se dit vraies affaires ici, hein? Il fait frette. Il fait frette. On n'ira pas avec des synonymes, là. Non. On se retiendra pas, on se les gèle. Oui, tout à fait. Voilà. On se les gèle, nous les gars, mais vous les filles, par contre, c'est autre chose qui gèle. Et c'est à vous qu'on rend hommage. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une journée pour vous laisser gâter. Oui. Hein? Ah, c'est romantique, c'est cute. Comme Mathieu Plante sait si bien le faire. Et toi? Et moi, ben, moi aussi, Mathieu. D'accord. On fait tout ensemble, hein, tu le sais? Oui. Même ça. Ça. Donc, appelez-nous. 819-376-5183, on prend des rendez-vous à partir de... Quand la chanson va jouer. Oui. Ouais. Il y en a qui pouvaient gagner des bonbons la semaine passée cette semaine, c'est une autre sorte de bonbons. Hein. Ouais. On va retourner en musique déjà. Hein. On veut se passer le plus de pièces féminines possible dans cette émission de 2 heures, mais ne vous en faites pas, le contenu s'en vient. Tout à l'heure, on va avoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air à vue de sortir avec moi. Oui, une chronique par une fille dans une émission dédiée aux filles et aux femmes, aux demoiselles, aux dames, excuse-moi. Oh, ouais. Oui. Demoiselle, c'est, hein, c'est joli quand même. Oui, c'est très bien. Les femelles. Ça, on dit pas ça. Non, je sais pas. Ça, on dirait que ça passe moins bien ce matin. Mais aussi, on va avoir une chronique, c'est un fait par moi-même. Moi, non, je ne suis pas une fille. Par contre, je vais vous parler de faits qui ont rapport avec les filles. Oui, et je crois que tu vas la faire avec une voix très, très aiguë. Exactement. Bon, merveilleux. C'est tout à l'heure chez Assemblage Requis, mais pour l'instant, on se fait un petit bloc qui va être composé d'Hôtel Morphée tout à l'heure avec Danse sur les toits. Ah oui, Hôtel Morphée, il faut aller plus aigu que ça, par exemple. Mais va, pratique-toi un peu. Non. Mais on débute avec Metric. Oui, Metric. Voici la pièce. La pièce, la très bonne pièce, hein, faut le dire. C'est une très très bonne pièce. Grow up and blow away. Ah, tu dois la faire, toi. Tu dois la faire. Grow up and blow away. Her heart, he wants to start a family, needing something to go on. If she weren't writing in blood, she'd bring him the jokes, a new liver and a shovel for the mud. If he were money deep in mud, he'd bring her his jokes, he'd get her a tie. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage Requis en pièces détachées. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur, laisse gronder le moteur. Défiler les acteurs, descend doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde, prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Encore trop tard. Comme un vieux soldat qui rêve encore, changer de décor. Je jure qu'il faut y croire même quand l'ennui te mord. Ton cœur est fait de phare, que le temps s'évapore. Tes yeux restent bleus même quand c'est nuageux. Je sais que tu es vieux mais la vie reste en jeu. Je te jure que je vais t'emmener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. Comme Hôtel Morphée avec la pièce Danse sur les toits, Assemblage requis au 89 FM dans notre émission spéciale où on a vu que de la musique chantée par des femmes, des demoiselles. Et pourquoi? Fort simple, c'est la Journée internationale de la femme de 2011. Mais dis-moi en plus! Écoute, je te fais un petit résumé de la Journée internationale de la femme. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu? Ben, parfait, ça. Merveilleux. En fait, on sait que c'est le 8 mars, donc c'est aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Le 8 mars est apparu comme le jour de la propagande des femmes. Et c'est en 1910 qu'a eu lieu la première journée de la femme. Et c'est où, tu penses, dans le monde, que ça a eu lieu pour la première dans fois? Dans le Moyen-Orient, non, sûrement pas. non, je sais pas où. À Copenhague. Ah. Oui, à Copenhague. Et cette journée avait pour le but d'obtenir le droit de vote, tout simplement. Et puis, en France, le droit de vote a été accepté En France, le droit de vote a été accepté le 21 avril 1944. Et ça fait pas tellement longtemps quand on y pense. Et puis, le 8 mars, d'ailleurs, s'est révélé comme LE jour de révolte des femmes. Et c'est seulement en 1982 que le gouvernement français a annoncé de façon officielle que cette date est la journée internationale de la femme. Donc, aujourd'hui, cette date a une importance symbolique, notamment, où les femmes ne sont pas totalement allées. Parce qu'on sait ici, peut-être que ça nous touche moins. Ouais, mais en même temps, il y a encore des choses à régler avec ça. Oui, les salaires et tout, c'est pas encore... Oui, tout à fait. C'est même très loin d'être correct. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais voilà, en fait, là, c'est un petit historique sympathique. Oui. Ben, c'est toi qui l'as fait, hein. Ça n'a pas le choix, ben. Oh, mon petit coquin. Ah, les filles sont toutes là en train de tomber. Là. Comme des mouches. Devant ce François-Louis Marchand. Il n'y a pas grand monde ici dans le studio présentement. Non, non, mais ça sent bien. Ça sent bien. François, qu'est-ce que tu en penses si on passe de ce fait que tu viens de nous donner à des faits que je vais vous donner? C'est juste le livreur de faits qui est différent, mais les faits, eux, sont tout aussi intéressants. Genre, j'essaie de trouver une façon cute de le dire. Non, c'est pas super. Voici, c'est un fait. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, pour la Journée internationale de la femme, en ce mardi 8 mars, que des faits ayant rapport avec des femmes. Des demoiselles. Yay! Ça te va? La première personne à avoir descendu les chutes Niagara dans un baril. Je sais pas si tu te rappelles que dans le temps, c'était la mode de faire des cascades et d'être populaire. Faut être complètement fou. Complètement. Donc, la première femme à l'avoir fait dans un baril, c'était Annie Taylor, de 63 ans. Une ancienne professeure d'école, ou en tout cas, professeure de petite école, pas professeure genre comme à l'université. Ouais. En tout cas, bref. Qui avait besoin d'argent. Elle voulait devenir populaire. Donc, c'était le cas. Et ensuite, elle est morte pauvre 20 ans plus tard. Donc, elle finit par plus avoir rien pour elle, si on veut. Quand tu ramasses une cocotte par terre, une cocotte d'arbre, savais-tu que c'est femelle, ça? Ah, oh, non, je ne savais pas. Eh bien, c'est le cas. C'est l'Internet qui nous le dit. Femelle. Les femmes dans des concours de beauté utilisent de la botte glue qu'on appelle en anglais, ou encore, c'est comme un spray que tu te mets sur les fesses et qui empêche ton maillot de bain de monter dans ta craque. Non. C'est vrai. Ah, oh, ouais. La botte glue. Ça le tait. Je fais pas ça. C'est non, non plus. Ça le tend. Ça le tend. C'est ça. Ça fait une toile par-dessus. Ça ou du saranérap, c'est la première chose. Une femme a réussi à résoudre un casse-tête de la Roue de Fortune. Tu sais, l'émission de télé Roue de Fortune où tu dois. Il y a des lettres. Avec qui, Yves Corbeil? Oui. C'était pas Fais-moi un dessin, ça? Oui, sûrement que c'était lui aussi qui faisait ça. Yves Corbeil. Toutes les quiz. Hein. Il est partout. Partout. Donc, une femme a réussi à résoudre un puzzle de 27 lettres avec seulement une lettre révélée. La participante, Caitlin Burke, a deviné ce mot de casse-tête. Oui, ce casse-tête de 27 lettres. Et a gagné un voyage. Coudonc, le féminin aujourd'hui, je vais mettre des une partout tellement c'est des filles. Vas-y, gâte. Une vacance dans la Caraïbe, sur l'île de Grenada. Et a aussi gagné 6 500 $ en argent. Son collègue, son compatriote à l'émission, Rick, a deviné la première, en fait, a eu sa première chance au casse-tête et a choisi la lettre R, qui n'était pas dans le casse-tête, malheureusement. Donc, Burke a ensuite tourné la roue, a demandé un L. Là, c'était la quatrième lettre du cinquième mot. Et après quelques secondes, elle a demandé de résoudre le casse-tête. L'animateur était déjà surpris, évidemment. Et la bonne réponse, telle que devinée par Mme Burke, est « I've got a good feeling about this ». Ah, ouais. À quelle phrase qui donne... Il y a du sens avec ce casse-tête. Hey, c'est surprenant quand même. Ouais. Vraiment. Vous pouvez aller voir le clip sur assemblagerequis.com d'elle en train de deviner ce mot-là et de gagner et de capoter. Et évidemment, vu qu'elle connaissait déjà la réponse, les gens disent qu'elle aurait peut-être pu continuer de tourner la roulette et puis peut-être gagner plus d'argent. Et peut-être tomber sur banqueroute. Peut-être, exactement, faire faillite. Mais bon, ça n'aurait pas donné une vidéo aussi intéressante que celui-là sur assemblagerequis.com. Une femme en Malaisie a sauvé son mari qui était attaqué par un tigre en le tapant avec une cuillère de bois. C'est vrai. Han Besu préparait le déjeuner avec ce que son mari avait chassé le jour d'avant, j'imagine. Et ensuite, elle a entendu des cris dehors. Han a attrapé l'arme la plus proche d'elle, donc c'est une cuillère de bois. Elle s'est dépêchée, a couru vers son mari qui se faisait attaquer par un tigre géant. Elle a frappé la bête sur la tête et la bête est partie. Le gars a réussi à se sauver lui aussi sans trop de blessures, juste quelques petites coupures au genou, à la tête et au cou. Faut pas avoir peur, hein? Non, hein? Ben, pour sauver son mari, c'est beau. Ouais. Très romantique, ça, comme ça. Hein? Tout à fait. Sais-tu qu'une reine abeille, une fourmi reine, là, ne s'accouple qu'une seule fois dans sa vie? Non, oui. Ouais. Là, j'essaie de traduire correctement. La période de... comment dire? La fécondation? Non, pas fécondation. D'accouplement, si on veut. Bref, où la reine doit choisir son... la personne avec qui elle va faire ça, la fourmi avec qui elle va faire ça. Attends, j'ai de la misère avec celle-là. Hein. Elle essaie plusieurs partenaires pendant ce temps-là, si je comprends bien. Elle choisit plusieurs partenaires pendant ce temps-là. Elle met le sperme dans une pochette qu'on appelle le spermatheca. Et le sperme reste là jusqu'à ce qu'une valve s'ouvre pour permettre au sperme de fertiliser l'œuf, ses œufs. La reine ensuite dicte... j'ai vraiment trop de la misère avec cet article-là. Trop de la misère, je le saute. Trop de la misère. C'était intéressant. C'était pas intéressant du tout. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, ça arrive que j'ai trop de misère à lire des termes comme ça. C'est pas grave. Vanna White de Roue de Fortune, dont on parlait tantôt, est la personne qui applaudit le plus à la télévision. Eh hey, ben ouais, tu l'avais déjà dit. Ah ben Colin, c'est une très bonne chronique que je fais aujourd'hui. Aïe, aïe, je me dépasse, je me surpasse. Dans La Petite Sirène, Ursula est vraiment la tante d'Ariel. Est-ce que je l'ai fait, celle-là? Ça, je m'en souviens. Non, je crois pas. C'est révélé dans une des scènes effacées sur l'édition Platinum du film sur DVD qui est sorti en 2006. Le concept du film au début montrait Ursula en tant que la sœur diabolique du roi Triton. Par contre, il n'y a pas d'indication de cette relation-là dans le vrai film animé, la version complète là, sortie sur DVD normalement, là, pas dans les scènes effacées si on veut. Donc Disney a peut-être changé d'idée par après, parce que si on creuse un peu, on trouve une chanson dans le musical sur Broadway de La Petite Sirène. Il y a eu un musical sur Broadway de ça qui révèle qu'Ursula est dans la même famille qu'Ariel. Si on écoute, on peut entendre la parole. Ariel parle de Ursula en tant que tante Ursula dans la chanson Sweet Child sur le musical sur Broadway. La vidéo est sur assemblagerequis.com, évidemment. Bon. Disney a déjà produit un film animé qui s'appelait L'histoire de la menstruation. Oui. Ah oui. Pour apprendre aux Ben justement. Le dessin animé était donc un film éducatif complété en 1946 par le géant de l'animation pour International Cellulose Cotton Company. Le film donnait des informations sur le développement des femmes de l'enfance jusqu'à dans le fond être mère, motherhood, en utilisant des diagrammes et de l'animation de Disney. C'était apparemment très populaire et a été utilisé dans des écoles pendant plusieurs décennies après 1946. Intéressant. The Story of Menstruation. Je ne savais pas que Disney pouvait faire ça. Moi non plus. Et on nous dit qu'une femme sur trois refuse de quitter la maison sans maquillage. Selon un sondage au Royaume-Uni, un magasin du Royaume-Uni nommé Superdrug a passé en entrevue 3000 femmes au sujet du maquillage qu'ils utilisent. Et voici les faits qu'on a appris. 6 femmes sur 10 n'iraient pas travailler sans maquillage. Surprise, pas plus que 6 femmes sur 10. Il me semble que la plupart des filles, c'est comme ça. Une femme sur 4 pensait que ne pas porter de maquillage pourrait leur empêcher d'avoir... de se faire, comment dire... De recevoir une promotion, comment t'appelles ça? De recevoir une promotion. Une hausse de salaire, quelque chose du genre, ou changer de poste, quelque chose comme ça. Presque 4 sur 10 ont dit que leur gérant les trouverait, moins attrayants. Moins, genre, sans maquillage, comme qu'ils prennent pas soin de leur personne, si on veut. Dans le côté relation maintenant, presque le tiers des femmes croyaient que le maquillage était nécessaire pour que leur partenaire dans la vie les trouve attirants. Je trouve ça charrié un peu, mais c'est bon. C'est charrié pas mal. 14% se réveillent avant leur partenaire pour mettre du maquillage. Non. Ouais. Et 10% des femmes ne laissent jamais leur partenaire les voir sans maquillage. Du tout. De la vie. Et de l'autre côté, là, on nous révèle l'autre côté de la médaille. Un homme sur 5 trouve que leur partenaire porte trop de maquillage. Et 1 sur 10 préférait pas de maquillage du tout. Intéressant. Eh ben. Intéressant. Je trouve ça, moi, en tout cas, on dirait que je serais pas prêt à... Parce que c'est beaucoup de temps. Hein? Ouais. Beaucoup de temps le matin à investir sur soi-même. Mais moi, on dirait que ça tombe bien que je sois un homme. Ouais. Parce que, moi, c'est ça, je suis pas sûr que je le ferais, mais en même temps, quand on est une femme, ça doit être différent. Ouais, c'est ça. Est-ce que si t'étais une femme, est-ce que tu serais une femme qui ne prend pas soin de sa personne? Alors ça, on le saura jamais. Non, mais je sais pas, mais en même temps, pas se maquiller, je trouve pas que ça fait nécessairement qu'une personne non. prend pas soin d'elle. Absolument pas. Mais c'est sûr que si c'est combiné avec d'autres choses, c'est pas de maquillage, pas coiffé, pas vêtement, des fois, ça peut avoir l'air de... Oh, oui, non, faut faire attention quand même, là, mais... Ouais. Maquillage. Moi, je suis pas un fervent amateur là, de maquillage. Moi non plus. Trop, c'est comme passé. En fait, c'est le contraire de passé, mais c'est aussi trop. C'est comme passé. Ouais, pour la collègue, c'est un fait. François, désolé pour le milieu. Là. Ah non, pas de trouble. Hey, Matt, je te reviens avec un petit fait. Ah oui? Relativement intéressant. OK. Air France a organisé un vol 100% féminin. OK. 15 hôtesses de l'air, 3 pilotes femmes s'envoleront donc pour vers Hong Kong. Et évidemment, en fait, là, l'avion, c'est que des femmes. Wow! Que des femmes. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est bien. Pour souligner le jour de la femme. Ouais, puis ça fait parler de toi aussi. Oh, ouais, tout à fait. Tout le monde est gagnant là-dedans. Eh, exactement. La pub! La pub! La pub! Bon. Air France. Hein. Air France. Si vous avez les moyens. Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous êtes toujours Assemblage Requis au 89 FM, c'est fou. On retourne en musique avec notre spécial musique féminine. Oui. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? C'est de la musique chantée par des filles. Pas nécessairement toutes les personnes du groupe sont des filles. Non, ça non. Chante. Non. Chantez pas des filles. Allons-y avec la pâte à rose sur le maxi Waikiki, c'est Chocolove. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Un énorme succès du début de 2005, ici, assez fou. Je me rappelle, ça a fait son entrée, ça, la semaine du 20 janvier 2005. Je me rappelle comme si c'était il y a 26 ans, maintenant. Et puis, bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Morningwood and the Degree, vraiment très, très bonne pièce. Une autre pièce chantée par une fille. Notre émission spéciale où on ne joue que des pièces chantées par des filles. Ou des demoiselles. Des demoiselles, hein. Faut être poli en cette journée internationale de la femme. Et nous vous levons notre chapeau. Oui. Voilà. Deuxième heure qui s'en vient en quelques minutes avec Émilie Gauthier, notre chroniqueuse fille de la journée, hein, c'est demoiselle, oui. Avec sa chronique plein air sur le défi nordique qui avait lieu en fin de semaine, nous fait un petit compte rendu de ça. Oui, et puis c'est sûr qu'on perdure dans la... La fémininité. C'est ça, exactement. En jouant que des pièces féminines. Alors restez avec nous, c'est Assemblage Requise. Requise. Ah oui, ben, c'est au féminin. Hein? Oh oui, non, c'est bien. Ah. C'est fou. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis pour ce mardi 8 mars 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les requins. Et oui, les requins et les requines. Oui, et les requins, oui, et les requins, les entre les deux, il y en a qui sont... Non, mais c'est là que c'est embêtant. Ouais, ben c'est ça. Ben, on inclut tout le monde, nous, ici, pas de préjugés. Ah non, c'est ça. En incluant tout le monde, je me dis que ceux qui sont plus ou moins certains se reconnaissent là-dedans. On les appelle les recs. Les recs. Ah, OK. On les appelle les rets, finalement. Oh. vous êtes toujours Assemblage requis. On disait tout à l'heure que c'était notre spécial sur la journée de la femme. Émilie Gauthier s'en vient parlant de femme, demoiselle, d'honneur, je dirais. Mais avant ça, voici Madame Moustache et Johnny Baguette, un classique qu'on entend extrêmement souvent. C'est fou, on dirait que c'est une des pièces qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore aujourd'hui, même si l'album date de il y a longtemps, 2008 quand même. Madame Moustache, Johnny Baguette, c'est fou 80 FM. Johnny Baguette, c'est pas une tapette, c'est un boulanger. Johnny Baguette, chaque matin guette son pain levé. Fait des croissants et des pains de fraises pour tout le village. Pendant la messe, ce sont ses hosties qu'on se partage. Johnny Baguette, t'achètes une chaloupe, l'appeler mon rêve. Johnny Baguette. Johnny Baguette, c'est pris une dive. Johnny Baguette. L'eau et le pain ne font pas vraiment bon ménage. L'eau dans ton vin, c'est la recette d'un long mariage. Johnny Baguette, je veux t'aimer à la petite semaine. Chaque jour, ça m'échoue, on verra où ça nous mène. Johnny Baguette, chaque heure passée sans toi est longue. Longue comme un jour sans pain. Johnny Baguette, chaque heure passe sans toi. Madame Moustache et Johnny Baguette, Assemblage requis. J'adore cette pièce-là, sérieusement, c'est très très bon. Sur l'album Au nom du country, sorti en 2008. Madame Moustache, si vous ne connaissez pas, c'est le groupe de Geneviève Néron, l'actrice qui joue, entre autres, à Vrac TV. Geneviève Néron. Dans Virginie et tout. Tu chercheras Geneviève Néron. Ok, je vais chercher. Il y a plein d'autres gens là-dessus aussi, c'est super bon. Toujours Assemblage requis, comme je le disais, c'est l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Et un de ces matériaux-là, une matérielle, mais pas une fille matérielle, non, en même temps, non, tellement... Non. Tellement douce. Douce et... Agréable. Agréable et... C'est toi qui as commencé, mais continue. Oui, mais en fait, c'est quelqu'un de sympathique. Oui. Oui. Mais par-dessus tout, quelqu'un de très franc. Oui. Et puis... Elle tire partout. Franche et tireuse. Non. Non. Voici, veux-tu sortir avec moi? Nous, à la place de parler de plein air ce matin, on a décidé de chialer contre les francs-tireurs. Hein? On pourrait. Ouais. On pourrait facilement. Parce qu'on pourrait faire une demi-heure là-dessus. Ouais, il est tellement, là, je serais pas gentil, là, puis je dis pas ça à la radio d'habitude, là, mais il est tellement maillé. C'est un maudit maillé, oui. Patrick Lagacé, là, allez lire ça dans la cyberpresse aujourd'hui. Si vous avez pas encore vu la vidéo sur le site de Télé-Québec des francs-tireurs, le reportage sur Trois-Rivières, qui est sorti il y a quoi, peut-être 3 semaines à peu près de ça? Je pense que c'est le 337, quelque chose comme ça, l'émission, là. Ouais, 337 exactement. Où il y a un reportage contre plein de choses à Trois-Rivières, comme si on était une ville paranormale, et puis il parle contre Régis Solerie. On a déjà parlé de ça en ondes, c'est pas nouveau, là, mais si vous l'avez raté, c'est l'épisode 337 des Francs-Tireurs. Et là, aujourd'hui, Patrick Lagacé a un article sur Cyberpresse, comme tu disais. Oui, il en rajoute ce matin pour dire que, en fait, les cours universitaires les plus bidons de la province, lui, il soumettrait la candidature de la science face aux phénomènes paranormaux du professeur Régis Solerie, qui se donne ici même à l'UQTR. J'ai entendu dire qu'il ne donne plus de cours depuis cette émission-là. Je sais pas si c'est vrai, hein? mais il y a quelque chose, là. Il est arrivé quelque chose à cause de cette émission-là. Ah oui? Je peux pas vous dire si c'est fondé ou pas, là, mais j'ai entendu des mauvaises choses. Faudrait mais... lui demander, lui qui est chroniqueur assez fou depuis tellement d'années et participe entre autres au Dîner de cons. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'il donne un cours encore parce qu'aujourd'hui, dans la presse, il soulignait qu'à l'UQTR, Rémi Tremblay, adjoint de Sylvain Delisle, vice-recteur aux études de premier cycle, m'a assuré que l'université est parfaitement à l'aise avec le cours donné par Régis Solerie. Ah bon. C'est peut-être une fausse rumeur. Oui, peut-être qu'il pensait à l'arrêter, quelque chose du genre. Mais moi, ce qui m'a le plus outré, c'est filmer les personnes en train de bailler, texter pour ce cours-là. Ben oui. Va dans n'importe quel cours, tu vas voir du monde bailler, texter. C'est un cours qui est de 7h à 10h le soir. Là. Exactement. Le monde va bailler et le monde va texter. Le monde font ça dans n'importe quel cours. Le monde font ça, c'est milieu de travail. Ouais. Je pense que c'est pas... Et qui dit que la personne n'est pas en train de texter, genre, je suis dans le meilleur cours du monde? Tu devrais t'inscrire à ce cours-là. On sait pas. J'ai juste pas trouvé que c'est très professionnel comme article. Non, ben c'est très bas. Très, très bas. Ouais, ça fait très Patrick Lagacé. Ouais, vraiment. Et ses médias. Vraiment. Ouais. Non, j'ai été bien déçu. D'habitude, je trouve que c'est quand même des bonnes émissions, mais c'est, depuis ça, ils viennent de me perdre. C'est terminé pour bien des gens. Ils viennent de me perdre. Voilà. Bref, c'est notre petite parenthèse éditoriale. Ouais, hein. Fallait que ça sorte. Ça fait du bien des fois, tu sais. Mais c'est tout, là. Donc, t'es avec nous pour parler de plein air, comme à toutes les semaines dans ta chronique, veux-tu sortir avec moi? Et aujourd'hui, on revient en fait sur le défi nordique qui avait lieu en fait semaine passée. J'ai entendu dire que t'as pas pu y aller en personne. Non. Quoi? Outrage, c'est pas ta job! Quoi? Je pense que j'ai failli pleurer pendant la journée chez nous, mais il a tellement pas fait beau samedi. J'ai eu à me déplacer sur les chemins samedi. Puis c'était tellement pas beau que dimanche, j'étais censée y aller toute la journée. Puis quand j'ai vu qu'il neigeait, sur la couche de glace trempée qu'il y avait eu. La veille, j'ai fait gaffe, ma vie, un article. Bon, c'est correct. Je vais essayer de me trouver des articles sur Internet et je vais faire une petite revue de presse à la place sur l'événement, là, mais j'étais vraiment déçue. Je vais essayer d'y aller l'année prochaine. Bon, on sait jamais. On espérera que la météo sera plus clémente avec toi. Bon. Oui. Par quoi est-ce qu'on commence dans ce défi nordique 2011? Vite, il y a quand même eu 500 participants. On avait 600 inscrits, 500 participants. Oui, c'est quand même beaucoup que ce sont... qui ne se sont pas présentés, mais il y a quand même 500 personnes qui se sont présentées, puis ça venait quand même d'un peu partout au Québec. Sherbrooke, Montréal, Brossard, Québec, Blainville, Moronites, Ottawa, fait que ça venait quand même d'un peu partout. Le directeur général du Parc national a quand même dit... Oui, je suis un peu déçue qu'il y ait moins de personnes que prévu qui viennent. Ah ouais. Mais je suis quand même satisfaite de la réponse des gens. Selon lui, c'est ce genre d'événement-là qui fait en sorte que les gens de partout découvrent le parc et reviennent. Puis même, ça paraît dans la hausse de fréquentation depuis environ 2 ans. Donc, depuis le cyclo-défi et le défi nordique, là, ça fait augmenter quand même la fréquentation du parc qui était déjà quand même très bonne. Ça a augmenté, je pense, de 12%, quelque chose comme ça. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine. Sinon, les présidents d'honneur, Pierre et Alex Harvey, ont quand même volé la vedette de l'événement. Alex n'était pas là, il était à Oslo, en Norvège, pour une compétition de 50 mètres de ski classique. Les participants du 40 mètres classique ont même pris un moment quand même pour souhaiter bonne chance à Alex. Là, il y avait une grosse pancarte, bonne chance à Alex, 50 km. On t'en veut pas. quelques minutes avant sa compétition, donc ça a quand même donné... Je sais pas s'il y a eu la chance de voir cette photo-là, mais c'est quand même pour dire que ça a peut-être donné le goût aux gens de s'inscrire, là, la petite vedette là, qui peut donner le ski de fond ces temps-ci. Toi, c'était ta raison principale pour y aller à la base? Ben oui, mais il était pas là. Quand tu as su qu'il était pas là... C'était une raison de plus de pas y aller. Demain, je vais me trouver une excuse. Ouais, ça, il fait pas beau. Dommage. Selon l'organisatrice de l'événement aussi, les conditions climatiques ont été presque parfaites là-bas, malgré les variances d'imprécipitations reçues. On dit qu'il y a eu beaucoup de neige, mais très, très peu de pluie. Donc, c'est pour dire que Trois-Rivières, parc, c'est 40 minutes de route, mais des fois, la météo peut être très différente. Puis, je sais que dans le parc aussi, des fois, la météo se comporte pas de la même façon. Par contre, c'est ça, les conditions routières ont découragé quelques participants et quelques spectateurs. C'est pour se rendre là-bas plus qu'une fois sur place. Ouais, c'est ça. C'était plus ça, mais il y avait des gens qui étaient déjà montés le vendredi là, parce qu'ils participaient à 2 compétitions. Ils avaient loué une petite chambre dans le coin ou quelque chose. Puis, parce que je regardais la liste des participants, il y en a qui faisaient une compétition le samedi et une le dimanche. Là, donc, je pense qu'un coup sur place, tu pouvais quand même y aller si tu avais 5 minutes de route à faire. Je me serais rendu, mais là, 40-45 minutes, ça valait peut-être un peu moins la peine. Le nombre d'inscrits a été un peu sous les prévisions de l'organisation, mais ça n'a pas découragé l'organisation qui confirme la tenue de l'événement l'an prochain. C'est bon, ça? Fait que, je vais y retourner l'an prochain pour vrai. Pour vrai, vrai. Premier, pas trop d'affaires, là. Pierre Harvey est ancien médaillé olympique et père d'Alex Harvey. a quand même participé à deux événements dans la fin de semaine, le 40 mètres en ski de fond classique samedi et le geocaching en raquette dimanche. Comme quoi, le geocaching, c'est le fun. Oui, tout le monde le dit. Arrêtez. Au ski de fond classique, le samedi, il a terminé en 2e place, 4 millièmes de seconde derrière un jeune homme de la catégorie de 30 ans et moins, de grand-mère. Donc, on a des bons petits gars dans le coin. Oui. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du geocaching, là, les résultats n'étaient pas encore diffusés sur la page officielle de l'événement, mais sinon, tous les autres résultats sont là si vous voulez vous rendre définordique.ca, je crois, ou quelque chose comme Lien sur l'article sur assemblagerequis.com, ouais, de toute façon. Toute la liste des résultats était là. Je vais terminer vite cette partie de la chronique-là avec un extrait d'Alex Harvey. C'était une vidéo qui a été diffusée avant, mais je pense que ça peut quand même être intéressant d'entendre cet extrait-là. J'ai accepté la présidence d'honneur du défi nordique géoplein air du simple fait que je suis un skieur de fond moi-même et puis je vais essayer de tout faire dans mon possible pour essayer de promouvoir ce beau sport-là puis d'amener les gens là qui sont peut-être pas des compétiteurs en ski de fond naturellement, mais d'essayer un sport nouveau en compétition, pas seulement à l'entraînement, mais je pense que ça peut rien faire de mauvais là, aux compétiteurs de n'importe quel autre sport. Pour développer le ski de fond au Québec, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à faire. Je pense déjà, premièrement, si les stations de télévision pourraient montrer les épreuves de Coupe du Monde qu'on a en Europe, comme Eurosport fait en Europe ou NRK en Norvège et dans tous les pays scandinaves, c'est montré à la télévision. Donc déjà, les gens pourraient voir les meilleurs au monde puis voir quelle ambiance qu'il y a en Europe avec les compétitions, tu sais, en Norvège, en Allemagne, partout dans le monde, où c'est vraiment une grande fête du ski à chaque week-end de Coupe du Monde. Donc déjà, les gens seraient plus accrochés au sport. Mais je pense que sinon, c'est d'essayer d'en montrer dans les médias, autant à la télé, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, d'essayer de donner une vue d'ensemble à la population pour voir comment le ski de fond est un si beau sport. Merci, Alex. Hein? Oui. Ouais. En direct de son salon. Oui. Ouais. Il faut aller voir la vidéo sur YouTube, Défi Nordique. Un beau petit vidéo avec une belle tuque, Défi Nordique. Oui, puis des beaux s'il y aurait. J'aime ça. Oui. Ça fait dur. Hein, ça fait bon. On le dira pas. Non, je l'ai pas dit. Je gardais ça pour moi. Il y a de l'air sympathique. Là, ouais, t'as pas... Ah, j'avais allumé les micros, excuse-moi. Ah, oh, bon. Oui, il y a l'air sympathique quand même. Pour terminer, étant donné que, je sais pas, tout d'un coup, qui annonce une autre température pas belle comme ça, puis vous avez quand même le goût de bouger, je vais vous donner une petite suggestion. J'ai pensé à ça quand la météo est pas belle. C'est Adrénergie. C'est un centre d'escalade intérieure situé sur la rue Sainte-Julie à Trois-Rivières. On peut s'y rendre en tant que débutant ou en tant qu'escaladeur plus ou moins expérimenté. C'est ouvert mardi, mercredi, jeudi et samedi. Les tarifs, c'est environ 30 $ pour une initiation, quelqu'un qui en a jamais fait, ou plus ou moins 14 $ pour une admission quand on sait en faire soi-même, puis là, c'est 3 $ pour la location d'une paire de souliers, etc. Ils ont un terrain, c'est ça, d'escalade intérieure. Il y avait quand même de l'air assez grand selon les photos. Mais en saison estivale, ils aiment aussi pratiquer dehors sur le terrain. Donc, puis je sais qu'ils font même des voyages pour aller faire de l'escalade là, au Mexique ou des choses comme ça. Ah oui? Non, donc, ouais. Si moindrement vous aimez en faire ou si vous avez le goût d'essayer, je pense que 30 $ pour une journée ou pour quelques heures, c'est quand même pas dispendieux pour l'escalade qui est quand même dispendieux à l'habitude. Vous pouvez vous rendre au www.adrenergie.com pour plus d'informations et les coordonnées. Et puis, si vous avez d'autres suggestions pour des activités spéciales à l'intérieur, là, c'est escalade, c'est la seule idée qui m'est venue hier. Mais si vous avez d'autres idées, faites-moi signe, puis je pourrais le tester ou juste vous en faire part. Des fois, c'est une chronique spéciale intérieure météo de Schnutt. Oui, ben oui, c'est sûr. Appelle-la comme ça, ça va être gagnant, c'est certain. Ce serait le fun. Ben oui. Merci, Mimi. C'est tout. Merci, Mimi. Super travail. Merci. Ben oui. Puis dommage que t'aies pas pu y aller. Ça a été amusant pour toi. Arrête aussi. Arrête de tourner le couteau dans le plat. Ben, tu sais bien que j'aime ça. Tu vas avoir de la tête. Oui. Sadique. Assoiffé de sang. Hein? Attends un peu, je parle de ça, puis elle, de sa femme de Twilight, ça, là. Oh! Twilight, là. Oh, commencer à trouver ça cool, là, moi, que je... Mort, moi. Sans hésitation, c'est ça. Alors. Merci encore, Émilie. Merci. À la semaine prochaine, mardi, 8 h, pour une autre chronique. Veux-tu sortir avec moi? Oui. Bye. Bye. N'importe quoi. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Aujourd'hui, c'est des matériels, des matériaux. Des matériaux. Des matériaux. De... Moi, je mets des féminins partout aujourd'hui. C'est la journée de la femme. Bon, ça va faire le niaisage. On va entendre Camionnette. Avec l'extrait joué dans les airs, très très populaire ici à C'est Fou Camionnette, hein, ça joue tout le temps. Tout le temps. Comme Madame Moustache. Comme Madame Moustache, ben pour vrai, là, c'est deux groupes que j'entends fréquemment à C'est Fou. Dans les airs où il n'y a pas d'animateur. C'est parce que c'est bon? Ben c'est ça. Tu comprends? Calmer. Sauf mon beau pick list. Je veux qu'il... Assemblage requis jusqu'à 9h. shift your eyes. I never knew there was someone to make me come alive. And when you go to work all the day I wait for you to come home, recount our time in our little play. Our little place, Stars avec My Favorite Book sur l'album In Our Bedroom After the War au 89 FM. Après la pause, on revient avec plus d'assemblages requis, mais pour l'instant, on doit aller écouter le bon Info Campus, celui qui parle d'événements qui auront lieu dans le futur. C'est ça, tout de suite. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Assemblages requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Toujours assemblage requis, c'est pas mal. Toujours aussi la journée internationale de la femme. Oui, exactement. En ce mardi 8 mars 2011. Oui, ça va continuer pas mal une bonne partie de la journée. J'imagine que d'autres animateurs ont aussi eu la même idée que nous. Donc peut-être que les artistes que vous allez entendre ça vont rejouer, peut-être. Peut-être. On sait pas. Peut-être. Ou d'autres. Ou d'autres. Ou encore les mêmes. Ou d'autres. Exactement. Ou les deux. Exactement. Ouais. D'ailleurs, Mathieu Plante, qui va animer le dîner de cons ce midi. Ah, c'est vrai, j'allais l'oublier. Je pense que c'est important, faut pas que tu l'oublies. Non, hein, c'est ça. Donc, de 11h à 13h. Oui, je te garantis pas que je vais continuer le concept. OK. Entre 11h et 13h. OK, c'est poche. Va. C'est vraiment poche de ta part. C'est pas, ouais. Bon. OK. Non, attends, je vais penser à mon affaire. J'essaie de trouver un concept original. On va voir tantôt. Parfait. Tu sais comment je suis rebelle, moi. Ouais. Un grand rebelle. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a à 9h? Ça va être moi avec C'était fou. Et là, il n'y aura pas de concept là-dedans parce que c'est une reprise de vue du passé. Ensuite, de 10h à 11h, il n'y aura pas grand-chose parce que c'est la sécheuse. Voilà, vous êtes toujours à Assemblage Requis, comme je le disais. On continue avec la musique féminine pour le restant de l'émission. Il reste encore 25 minutes. Je dirais que ça va être pas mal musical, ce 25 minutes-là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui! Oui, on va débuter avec Marie-Pierre Arthur. Oh! Oui, c'est de la grande classe ce matin. Oh, ben avec une voix comme ça, bien sûr. La pièce Pourquoi? Le morceau. Hein? Le très bon morceau. Oui. Pourquoi? Ben parce que. Parce que. Parce que c'est ça qui est ça. C'est comme ça. C'est comme ça dans le temps du jour des femmes? Oui. C'est comme ça dans le temps du jour des femmes. C'est pour ça que les femmes, des fois, aiment pas moi. M'aiment pas parce que je parle par-dessus les pièces. Oh. T'as restarté ça? Non, paraît pas du tout. Non. Les nuits étranges m'observe et reste là, accroché en haut de mon toit. Elle se moque de moi encore une fois. Imposant leur triste routine, Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. La nuit donne le jour, un jamais prend toujours. La musique donne le son, mais prend aussi le pouls. Quand les mots donnent le ton, le bavard prend le tout. Donne ta vision des faits ou prends tes jambes à ton cou. La nuit donne le jour, un jamais prend toujours. Tu donnes sans compter, mais prends sans tenir compte. Ne prends pas pour acquis tout ce qui se donne. Mais allez, prends ma main puisque je te la donne. Tout est prenant de temps, tout est comptant. Retour argent, temps et amour. Tout ce qui se donne se prend. Même si donner sans compter, c'est donner sans retour argent, temps et amour. Tout ce qui se donne se prend. On donne, on donne, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'au donneur on pardonne s'il désire se le faire rendre? On donne, on donne, mais pour donner faut prendre. Est-ce qu'au donneur on pardonne s'il désire se le faire rendre? Gaël et Donnant Donnant, de l'album Diamant de papier, Assemblage requis au 89.1 FM. Petite chanson en duo, là, mais plus féminine qu'autrement. Oui, tout à fait. Voilà. Très bon, toujours. Vous êtes à Assemblage requis. Parlons un petit peu de choses à faire ce soir, François-Olivier Marchand. Oui. Savais-tu qu'à Trois-Rivières, quand il y a des activités, ils sont souvent deux en même temps, il faut choisir. Hein? C'est ouais. Tout le temps de même. C'est vrai, ça. C'est fatigant un petit peu. Tout à fait. Mais bon, ce soir, il y a l'événement mensuel Kino 3R, évidemment, au Café-Galerie L'Embuscade sur Bado. C'est une projection libre de 19h à 22h30 avec des défis thématiques. On va en parler tout à l'heure dans le Dîner de cons avec moi-même, en remplacement de Danny Janvier. Ça s'en vient à 11h. Donc, Kino ce soir. Et sinon, il y a aussi le match blanc versus jaune de la Ligue d'impro mauricienne, la LIM, à la Maison de la culture de Trois-Rivières, à la place de l'Hôtel de Ville, en haut de la bibliothèque. Le dernier droit de la saison est amorcé avec le match jaune versus blanc de la Ligue d'impro mauricienne. La lutte est serrée au classement et ces deux équipes auront fort à faire pour grimper les échelons. Les blancs retrouvent la glace après un mois jour pour jour d'inactivité. Les jaunes, quant à eux, amorcent leur calendrier fort chargé du mois de mars. À qui la victoire? Pour le savoir, il faut être présent à la Maison de la culture de Trois-Rivières, 8 mars ce soir, 20h. Et en passant, Cindy Rousseau, que vous connaissez peut-être de tout plein d'endroits, là, dans les médias trifluviens, sera en remplacement de Maxime Tanguay dans l'équipe des Jaunes. Oh, gros changement. Oui, Cindy Rousseau, tu te rappelles le film Cindy Rousseau? Oui, tout à fait. Ben voilà. Sympathique. Oui. Sympathique. Femme. Femme, ben c'est vrai que dans la ligne, il y a des femmes, pas mal. Hein. Dans l'équipe des Jaunes, il y en a une, et dans l'équipe des Blancs, il y en a deux. Voilà. Ah. Donc, c'est un bon petit ratio de femmes versus hommes. C'est à la LIM ce soir à 20h. Voilà. Et puis, Kino 3R, c'est à 19h. Vous pouvez commencer par Kino et puis quitter en cours de route, mais je vous conseille pas parce que c'est toujours bon. Choisissez votre camp, hein, puis allez-y, puis restez là jusqu'à la fin. Restez là. C'est pas fin, sinon. Là. Voyons. C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas dans une sitcom américaine où le père décide qu'il peut aller à la partie de soccer de sa fille. Et il peut aller aussi au concert de son autre fille s'il se dépêche, tu sais. C'est pas une sitcom, là. Non. Vous êtes toujours à l'Assemblage Requis. Il nous reste 15 minutes ensemble. François, c'est pas beaucoup de temps, ça, 15 minutes. Moi, je calcule même qu'il nous reste peut-être 13 minutes. Là. 13 minutes. Top c'est chrono. Chaud. Ah, c'est chaud. Parlant de chaud. Chaud. Chaud comme dans Chaleur, pas comme dans Spectacle. Tropical Iceland de la formation Fiery Furnaces. Fiery Furnaces comme dans des fournaises en feu. Là. OK. En feu, où il y a du feu dedans. Ouais. Et la pièce s'appelle Tropical Iceland, donc un genre de terre glacée, mais tropicale. Si tu vois le genre, c'est comme un contraste. C'est fuck it. C'est comme grand mais petit. C'est vraiment bizarre. Gros mais maigre. Ouais, c'est comme tu l'as dit, Bouffy. Bouffy. Assemblage Requis. Ouin, ouin, ouin, ouin. Je faisais sitcom, là. Bon, ça manque d'applaudissements. Used to be one of the rotten ones. Santogold avec la pièce Les Artistes. Wow! Wow! Hey, non, mais j'aime ça, Santogold. Tu nous en fais jouer une fois de temps en temps et j'adore ça. Parfait. On va essayer d'en faire jouer un peu plus souvent. Ouais, là, déniaise-toi un peu. Ouais, voyons, non, j'étais un peu gêné. Plus souvent que ça. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h avec Maxime Lemelaramé, sa chronique télécharge. Quoi? Restez à l'écoute pour C'était fou que j'anime à 9h. Et puis le dîner de con, je vais animer ça aussi à 11h. On va être une grosse journée, hein, Mathieu? Oh oui, il y a une chance qu'il y en a une qui n'est pas live. Hein? On dira pas, par exemple. On dira pas laquelle. Ouais, c'est ça. Reste à l'écoute pour ça. Et puis, à demain matin, 7h. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée des femmes. N'oublie pas de porter tes talons pour le reste de la journée. En hommage. Un peu spécial. Ben, à un moment donné, il faut bien savoir de quoi elle parle. Hein? Bye! Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.